Alexandre Dumas, mon dictionnaire de cuisine, lettre B, beignet. D'un mot celte qui signifie enflure ou tumeur. C'est aux croisades que nous avons fait la connaissance des beignets. Le sire de Joinville nous apprend qu'en rendant la liberté à Saint-Louis, les Sarrasins lui présentèrent des beignets. Le beignet est une sorte de pâte frite à la poêle et qui enveloppe ordinairement une tranche de quelques fruits. Nous empruntons à Carême la manière de faire cette pâte. Pâte à frire à la Carême. Mettez dans une petite terrine 360 grammes de farine tamisée que vous avez délayée avec de l'eau à peine tiède. Vous aurez fait fondre 60 grammes de beurre fin. Vous inclinez la casserole et vous soufflez sur l'eau afin de verser le beurre le premier. Vous versez assez d'eau de suite pour délayer la pâte de consistance molette et sans grumeaux. Autrement, lorsqu'on la rassemble trop ferme, la pâte se corde et fait toujours mauvais effet à la poêle. Elle est grise et compacte. Ensuite, vous ajoutez assez d'eau tiède pour que la pâte devienne coulante et déliée, quoique pourtant elle doive masquer les objets susceptibles d'y être trempés. Enfin, elle doit quitter la cuillère sans effort. Vous y mêlez une pincée de sel fin, deux blancs d'œufs fouettés bien fermes, et l'employez tout de suite.